Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 1, du samedi 25 août 1883. Page 4, colonne 5. Nouvelle de Springfield. La femme du quartier 5, que l'on disait avoir été blessée d'un coup de revolver tiré par son mari, déclare que son mari n'a point tiré, mais qu'il l'a seulement visée avec un pistolet armé et chargé. La peur l'avait fait tomber en défaillance, et c'est pendant le temps qu'elle a été sans connaissance qu'on a été chercher la police. Un accident qui a failli coûter la vie à un homme est arrivé à la station du chemin de fer lundi après-dîner. Un nommé Henry Cahill, de Boston Sud, se rendant à Troyes, est tombé entre deux wagons en tentant de monter sur un train en mouvement. Une roue lui a écrasé le bras gauche et son corps allait être coupé en deux quand il fut possible de l'arracher de cette périlleuse position. Le docteur Breck l'a fait conduire à l'hôpital où l'amputation du bras était jugée nécessaire. Un individu qui dit s'appeler Thomas A. Spencer, de Pawtucket, a été admis à un cautionnement de 1 000 lundi dernier à Hartford comme prévenu de vendre des chevaux appartenant à autrui. Le samedi auparavant, l'encanteur J.D. Pierre en a vendu un au nom de Spencer et qui appartenait à un maître d'hôtel de Hollyoak. Cet individu est reconnu comme maître dans le métier du vol des chevaux et il existe des plaintes portées contre lui par des personnes de Newton et Manchester. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2012 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.